Seven Club, DJ Alphonse, à bien le bien sûr. Tu me laisses sans raison. Ah, momi, on m'a dit un débat au Nyolandje. Mon mari, tu me laisses sans raison. Naïdi, le prince des montagnes, le meilleur, Ah, momi, on m'a dit un débat au Nyolandje. Mon mari, tu me laisses sans raison. Ah, momi, on m'a dit un débat au Nyolandje. Mon mari, tu me laisses en raison, Naïbi. Le jumeau du pizza de Paris, cela se sait. Tibotina kati batam de l'amboriwa, et babala moudingante, et boti di botina, mouati mbapanga kate yamoumio, papé na wousan wanante, langwe yamba, mouné madono wate la mounio lango amoumio. Tiboti et Kati font un très bon couple. Mais c'est l'excès de vagabondage qui a fait que Tiboti chasse Kati de sa maison et mon mari. Ouais, qu'est-ce que je t'ai fait dire à toi? Les portes d'amour sont ouvertes pour toi, mon mari. Excuse-moi, Tata Odile, ma maman. Christian Mickey. Le prince résident. Ah, momi, on m'a dit un débat au Nyolandje. Mon mari, tu me laisses sans raison. Ah, momi, on m'a dit un débat au Nyolandje. Mon mari, tu me laisses sans raison. Naïdi. Tiboti na kati batam de la Moriwa. Et babala mouye yante. Et bote li bote. Altima panga. Mbappé, na wusan wananje. Mbappé, na wusan wananje. Langwe yamba. Mbe mandolo matela mounyo lango amunio. La disse. Le prophète Bernard Okalia, chef de terre, Sud-Ouest. Jean-Pierre Epon, le fidèle. Banda. Jacqueline Cécile, ma maman, et pour désirer mon tamangele, le bayouele. Benko Satan.